بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد. Donc aujourd'hui on va prendre un bon nombre de masail pour arriver jusqu'à la 30e. Pourquoi ? Car dans ce livre, certaines des masail se ressemblent. En apparence, elles sont les mêmes. Et donc il faut éviter la répétition et le takrar, on les cite. Car le shir les a cités dans son livre, même Cheikh Fawzan les a expliqués, mais elles reviennent certaines les unes aux autres. Donc pour ne pas avoir à trop allonger le ders ou quoi, on les cite. Et on nambah qu'elles ont déjà été citées dans telle et telle mas'ala, ou qu'elles ressemblent à telle et telle mas'ala, ou que le jugement est le même. Et là dans le livre, même à la fin, ce sera pareil. Il y a des mas'ala qui se ressemblent beaucoup. Et dans des fois, dans le shah, Cheikh Fawzan a déjà donné ce qui convient, ce qui suffit, pour ne pas avoir à re-répéter. نعم طيب فقال اوي اي ان تو كو جو لي جو بي سيتي دون الدرس ديال بارابور على المساله 22 كي بريل لا ريليجيون كوم ديستراكسيون اي كوم جو ان في ايغالمون كو جو بي سيتي كو لي مسلمون فون اجوردي كي سو فينومين كي زابيل لو بوركيني لو بوركيني رونت اكزاكتومون دون زون دو شوز اون فورم دو رايري دو لا ريليجيون كي نو سون ميم با كونت بوركوا كار ديجا اك لا نوميناسيون de cette chose, burkini, c'est une pure offense envers la religion. S'ils ont mélangé entre le mot burkour, qui est le niqab, qui est un vêtement à la base qui est mashrour, légiféré pour la femme, quand il est mis avec les bonnes conditions, et qu'ils ont mélangé avec le mot bikini, qui lui est un vêtement à la base utilisé par les kafirot, les fasikot, un vêtement qui n'est pas légiféré, yani, lorsqu'il est utilisé en public devant les étrangers, ou les alikas, est utilisé par les fasikot et par les kafirat. Donc ils ont mélangé le haq et le baratil. Tout ça pourquoi ? Pour permettre à la femme d'aller à la plage et de pouvoir se baigner. Et à savoir que les femmes qui utilisent ce genre de vêtements sont des femmes qui sont dans les plages où il y a des hommes, déjà d'une part. Donc déjà la mixité elle est interdite. Ces hommes eux-mêmes sont dénudés. Ce n'est pas permis. Ce sont des lieux de perversion, de mixité. Et en plus, ce vêtement, de ce que j'ai pu en voir, est un vêtement qui n'est pas conforme aux normes légiférées, car il n'est pas large. Il n'est pas large et ne recouvre pas les parties du corps comme il se doit. Pour les ADK. Donc c'est ça, c'est pour aller jouer. Donc on a voulu légiférer une chose pour pouvoir aller jouer et désobéir à Allah SWT. Donc ça rentre dans la raillerie. Car ils ont voulu faire un vêtement islamique, comme ils aiment le dire. Une chose légiférée. Voilà, Azbillah. Donc pour revenir maintenant au ders en lui-même. قال المؤلف المسألة الثالثة وعشرون. قال اغترار بالدنيا. Qui se font leurrer par la dunya. فقال المؤلف رحمه الله تعالى أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Donc cette dunya les a trompés, car ils se disent que si Allah leur a donné ce qu'il leur a fait, il ne leur a donné cette dunya que par agrément, comme dans leur parole, dans le sens où Allah dit nous avons plus de biens et plus d'enfants et nous ne serons pas châtiés. فقال الشيخ فوزان حفظه الله تعالى في شرح هذه الفقرة قال أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل وأن الله لا يعذبهم ثم ذكر الآية. Donc les gens de la Jahiliya considèrent que le fait qu'ils aient reçu des enfants et des biens, cela est une gratification d'Allah pour eux. Puis c'était le verset dans le matin. Mais dans le verset, par la suite, Allah s'entend « Ehmada yakul » « Yakul »« Inna rabbi yaksutu rizku liman yasha'u wa yakdir » ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. Donc il dit cependant mon Seigneur étant des subsistances à qui il veut et à juste mesure. Cependant la plupart des gens ne savent pas. Et vos biens et vos enfants ne vous rapprocheront en rien de nous. C'est pas par cela qu'Allah vous rapprochera de lui. فقال فليست كثرة الأموال والأولاد دليلا على محبة الله للعبد بل أنه قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه وفي الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، وهو أخرجه الترمذي والصحاح. Donc le fait d'un grand nombre de biens et d'enfants n'est pas une preuve de l'amour d'Allah pour le serviteur. Car il se peut qu'il donne aux mécréants en vue de quoi ? De l'égarer par échelon, l'istidraj, comme on expliquait. Et dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم que Allah donne la dunya à qui il aime et qui n'aime pas. Cependant, la religion ne la donne que à qui il aime. هذا هو الفرق والميزان الدين. C'est là-dessus qu'on distingue. Et le din lui-même, il a des darajat. Tout le monde n'est pas égal dans le din. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il donne la religion. Il le fait comprendre la religion. C'est-à-dire, même dans la religion, il y a des gens qui l'ont bien compris et d'autres qui n'ont pas compris. Donc même eux ne sont pas égaux, ils sont plus élevés. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Est-ce que ceux qui savent sont ceux qui ne savent pas? هو ذلك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وصححه الألباني. Dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si la dunya valait auprès d'Allah ne serait-ce qu'une aile de moustique, il n'aurait pas accordé ne serait-ce qu'une gorgée d'eau à un kafir. Donc regardez, tout ces hadiths démontrent que le fait que Allah donne et accorde aux gens n'est pas une preuve forcément de leur amour. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Ça dépend. En tout cas, qu'il est donné aux koufars, le fait qu'il ne soit pas sur la religion, c'est sûr que ce n'est pas par amour pour eux. Car les koufars, Allah ne les aime pas. Fumaqal, que ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus honorable des créatures d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons qui étaient autour de lui, ils ont été atteints par la faim, par la pauvreté, et par différentes difficultés. Alors qu'ils sont les gens les plus honorés pour Allah subhanahu wa ta'ala, après les Anbiya. Et pendant ce temps-là, tu vois les koufars se pavaner et se rouler dans les richesses. Et cela pourquoi ? Ils s'idrajent lahum, pour les égarer par échelon. Donc le fait d'avoir beaucoup de biens n'est pas une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es sur la vérité. Il y a des gens, tu les vois comme, des fois commettre des actes et se dire Allah il m'a donné, alhamdoulilah, c'est-à-dire qu'il m'aime. Ça se trouve, Allah il t'a donné pour t'égarer et tu ne sais même pas. Et des fois, c'est le contraire. Des gens, tu les vois l'ensemble des projets et ils n'arrivent pas, ils n'aboutissent pas. Ils disent Allah il ne m'aime pas, mon projet à chaque fois n'aboutit pas. On dit non, c'est parce que Allah il t'aime. Il sait que ce projet-là, tu vas être éprouvé par l'argent, tu vas changer. Et il veut t'accorder ce qui est mieux pour toi, t'empêcher d'avoir ces biens-là pour pouvoir faire autre chose à la place. Tu ne sais pas également. أمشي الاستقامة الميزان اتبع السنة والاستقامة نعم بعد هذا قال استاء مسألة رابعة وعشرون والخامسة وعشرون 24 et 25 ces deux là le tambi au dialogue précédé la 24 c'est quoi زهدهم في الحق إذا كان عليه ضعفا qu'il délaisse la vérité si jamais il se trouve dessus les faux, les gens faibles. Il dit sa vérité si jamais il trouve que ce sont les gens faibles qui sont dessus. قال المؤلف رحمه الله تعالى ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية. Donc ils ne prennent pas la vérité s'ils voient que les faibles les y ont devancés. Par orgueil. Et par esprit hautain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans le sens où il dit ils ne renvoient pas ceux qui invoquent leur Seigneur. Et l'explication a déjà passé dans la mas'ala al-sabi'a qui était-elle al-istidlal bima 'alayhi ahlul quwwa bainahu wal haqq, que pour eux ce sur quoi se trouvent les gens de la vérité, ou plutôt les gens de la force, cela est la vérité. Et également mas'ala al-thamina, la huitième mas'ala, qui est al-istidlal bi'annama 'alayhi ad-du'afa laysa haqqan, qu'ils argumentent par le fait que ce sur quoi sont les faibles, ce n'est pas la vérité. Donc tout cela, c'est le même point. Et comme le 25e point qui suit maintenant, c'est pareil, c'est lié. قال al-istidlalu ala kulli shay'in batilun bi sabaq ad-du'afa ilayhi. qu'ils argumentent par le fait qu'une chose elle est fausse du fait que les gens faibles les ont devancés. Là, on lit juste le matn. فقال المؤلف في هذه المسألة الاستدلال على بطلان سبق الضعفاء كقوله لو كان خير ما سبقونا إليه. Donc ils prennent, ils argumentent du fait qu'une chose elle est vaine et fausse du fait que les faibles les ont devancés. Dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit que c'est-à-dire ces gens-là, ils disent si jamais ça avait été un bien, ces gens-là ne devront pas devancer. Donc ça, toutes ces masaïl-là, la 24e et la 25e, rentrent dans la 7e, dans la 8e. وقد سبق ذكرهما والحمد لله. طيب ما نواصل المسألة السادسة وعشرون 26e مسألة وهي تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهوائهم. Donc le 26e point, il modifie, il change, il altère les preuves du kitab afin que cela coordonne avec leur passion. فقال المؤلف رحمه الله تعالى تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Qui change le livre d'Allah après qu'il l'ait connu et qu'il l'ait compris. Et qu'ils le savent, ils se rendent compte de ce qu'ils font. فقال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في شرح هذه الفقرة قال من شأن اليهود والنصارى تحريف كتاب الله التوراة والإنجيل من بعد ما عقلوه وتعلموه وفهموه حرفوه بزيادة ونقصان بزيادة أو نقصان أو تفسير بغير المعنى الصحيح من أجل أن توافق أهواءهم. Donc parmi la situation justement des Juifs, des Yahoud et des Nasara, qu'ils ont altéré, modifié le livre d'Allah SWT qui était la Torah et l'Injil, après qu'ils l'aient connu, qu'ils l'aient su, qu'ils l'aient appris et qu'ils l'aient compris. Donc ils ont changé ce livre, ces livres, vraiment, par des ajouts ou en enlevant des choses. Ou alors en venant avec un tafsir qui était hors contexte, qui ne convenait pas au vrai sens. Et cela pourquoi ? Pour que cela coordonne avec leur passion. فقال وهذه مصيبة لا تزال المسلمون يعانون منها وأول من كانت عليه أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات والشهوات إذا لم يقدروا على تكذيب النص وجهوده سطوا عليه بالتحريف والتأويل والتفسير بغير المعنى. Donc il dit cette chose est toujours présente aujourd'hui chez les musulmans. Cette chose qui était présente en premier lieu chez les gens du livre, auparavant, cette chose est présente chez les musulmans aujourd'hui. Lorsqu'ils veulent qu'une chose coordonne avec leur passion et ce qu'ils ont dans leur tête, alors qu'est-ce qu'ils font et qu'ils ne peuvent le démentir, ils ont un texte clair, ils ne peuvent le mentir, qu'est-ce qu'ils font? Ils le changent. Ils l'interprètent d'une autre façon. Donc ça, c'est parce qu'on trouve dans les gens des passions, des firaq, des sectes égarées. Et les Asab de Shahawat, ceux qui suivent leur passion et leur plaisir. Ils le font avec des textes, par exemple pour le riba, comme Michel le cite. Le riba, pour pouvoir en soutirer de l'argent, ils font des choses. Le riba, il interprète. Le riba, ça veut dire ci, ça veut dire cela, donc ça veut dire telle et telle chose, on peut la faire. Et déforme les textes, pour pouvoir soutirer des biens. On trouve des gens aujourd'hui, pareillement, qui font cela, comme des gens comme par exemple ce fameux Tahir Kobro. J'ai pu lire des passages dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle l'Islam comme vous ne le connaissez pas ou un titre dans ce genre-là. Un frère m'a envoyé quelques passages du titre, du livre. Dedans, je vois qu'il essaie d'enlever l'obligation du hijab avec différentes interprétations qui sont baratées. Que le mot hijab en arabe, ça veut dire telle chose, le mot jilbab, ça veut dire telle chose, telle chose, telle chose. Il essaie de transformer le sens pour le sortir du jugement légiféré. Même si ces sens ils sont réels, le hijab, il n'y a même pas à discuter que le fait qu'un mot ait un sens littéraire dans la langue arabe et qu'il ait un sens légiféré, l'un n'empêche pas l'autre. Dans plein de situations, c'est comme ça. Dans les kutub de fiqh, tu vas avoir qu'un mot et on va te dire al-marna al-lorawi, le sens acoustique, ou al-marna istilahi, le sens légiféré. Et eux, ils viennent avec le sens littéraire pour dire non, ça veut dire ça et ça. Non, on dit l'un n'empêche pas l'autre. Et même des fois, le sens littéraire, il le change. Donc les gens qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas ce genre de choses, se font avoir par ces gens-là. Mais celui qui étudie bifadillahi ta'ala et qui connaît, il sait, il voit leur tromperie. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Réussir à enlever des choses de la religion. Comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. Adam in Amel, al-Yahud ou Nasara, tamam. Ou des gens pareils, ils font pareil que la hijra. ils n'ont pas envie de faire la hijra, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec la dilemme de la hijra du cœur. La hijra du tark al-ma'asi. Ils viennent avec le sens littéraire et l'un des sens de la hijra qui est vrai, qui est de laisser les péchés. Et par contre, celui qui est de quitter le pays des mécréants, celui-là ne vient pas avec. Ils disent non, la hijra, c'est l'hijra des cœurs en premier. On dit n'am, mais ce qui est dans ton cœur, on le dit souvent. On s'en tient à travers tes actes. Donc si jamais dans ton cœur tu laisses les péchés, ben parmi les péchés, vivre chez les mécréants sans raison et ne pouvoir appliquer la religion. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas. Donc ils font pareil. Ils veulent faire un tahrif. Même chez les salariés, tu trouves cela. Ils sont accrochés à leur dunya. Ils ont leur tijara qui marche bien en France, où ils ont telle et telle chose, ils ne veulent pas partir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent des cœurs. Eh ben t'as gèrent des cœurs, même ça, t'as pas réussi à la faire. Al al-asaf. Al-muhim. Qu'aujourd'hui, dans cette oumma, c'est toujours présent qu'ils veulent changer les textes. Donc ça, c'est parmi les sifats des gens de la jahiliya. Tamaman. Et même dans, et surtout, ce qu'on fait beaucoup cela, c'est les firak al-dhalla fi bab al-asma wa sifat. Parce qu'ils touchent à l'irtiqad, au nom et attribut d'Allah. Ils viennent avec des ta'wil, l'interprétation. Ils changent des mots pour tromper les gens, pour annuler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses noms. Et pour attirer les gens vers leur aqidah al-batila. Wa al-minaf bab. Ils changent des textes. والمعتزلة من هذا الباب والأشاعرة من هذا الباب والجهمية من هذا الباب كل هؤلاء المعطلة والمحرفة الممثلة وغير ذلك كلها من هذا الباب فس تحريف النصوص ثم قال المسألة 27 مسألة تأليف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله. Ils écrivent des livres faux d'égarement et ils attribuent Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Donc, quand le mu'allif, rahmallahu ta'ala, tansif al-kutub al-ba'atila, wa nusbatiha illa Allah ka kawlihi, waylun lillazin yaktubun al-kitaba bi aidihim, thumma yakulun hadha min indillah. Donc, ils écrivent de faux livres, de faux ouvrages et qu'ils attribuent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à la religion. Dans le sens, Allah dit, et malheur pour ceux qui écrivent le livre de leurs mains, puis ils disent cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça suit le pont précédent. Faqala al-Sheikh al-Fawzan min afat al-Yahoud annahum yu'allifuna al-mu'allafat wa yaktubunaha bi-aidihim wa yazmununaha al-batil wa yudminunaha al-batil wa yaquluna hadha min indillah liyuhassilu ala mukafatan minan nas. Donc il dit, justement, parmi les fléaux qu'ont commis justement ces Yahoud, c'est qu'ils écrivaient des livres de leurs mains et ils ajoutaient du faux. Et ils disaient cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir en soutirer des choses aux gens, ou pour pouvoir les vendre et en tirer des biens. Donc le fait d'écrire des livres d'égarement et de les exposer aux gens, cela est une chose qui rentre dans les actes commis par les Yahoud. Et c'était connu pour cela. Donc celui qui fait cela, le ressemble, dans la Ummah. Et après, il fait un rappel que le wajib al-alim, lorsqu'il écrit un livre lié à la science ou ilm, an yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala, qui craigne Allah, qui n'écrive que ce qui coordonne avec le livre et la sunna, car il sera interrogé à propos de son livre, qui ne fasse pas de fatwa, ni d'ouvrage, ni d'article, si ce n'est qui est en conformité avec la législation, qui n'écrit rien de lui-même, de ses passions, et qui dit cela fait partie de la législation, et cela fait partie de la charia. Et il dit que c'est aujourd'hui la plupart des livres écrits rentrent dans ce sujet-là. Comme les gens le font, les prédicateurs du faux, les prédicateurs de la bid'a, les prédicateurs de la zandaka, ils font ça. Ils écrivent des livres de leur tête, comme Tariq Ramadan, Mathalan, qui ramène de la philosophie de grec. Il mélange tout et après il va te faire croire que tu n'as pas compris l'islam et qu'il va t'expliquer c'est quoi l'islam. Il va tout t'expliquer comment apostasier. Hazaou. Si tu suis la voie de ces gens-là, ça va t'amener à apostasier. Comment? Car tu vas te retrouver à démentir les textes religieux, d'accord, à délaisser la vraie aqida et à tomber dans le frouf. Car ces gens-là, ils ont des afkar kufriya. Al-haq al-nyukal. Ils appellent à quoi? À l'union avec les mécréants. Voilà les zadikas. Donc tout ça, ça t'amène à quoi? Au port de l'apostasie de la ridda. Voilà, azbillah. Donc celui qui écrit des livres, des articles, même pour les frères qui traduisent des articles, qui choisissent bien ce qu'ils traduisent. Ce n'est pas demain tu vois un chien, même un cher salafi qui a fait une fatwa qui correspond à ce que tu veux, tu vas la traduire. Comme il y en a, ils font beaucoup par exemple. Ils vont prendre une fatwa d'un shir qui est connu pour être respecté par les salafia, vont chercher par exemple les fatwas marginales qu'il a. Par exemple, ils vont trouver une fatwa de shir intel qui autorise la femme de conduire. Hop, ils vont prendre la fatwa et ils vont la traduire. Shir intel a dit qu'on peut conduire, mesalem. Mais d'autres fatwas qu'il a qui sont réelles, d'autres choses que eux ils font, ils vont pas les traduire. Ils ont une spécificité, c'est d'aller chercher les fatwas des ulama salafi de la sunna qui correspondent avec leur hawa pour dire. Comme ça, ils n'ont pas utilisé Qardawi ou les autres Ashab al-Ahwa. Ils disent bien, c'est Cheikh Foulaim, c'est un imam de la Salafia. C'est lui qui a fait la fatwa, donc je la prends. Mais avant de trouver la fatwa, il l'a cherché. Il l'a cherché. Ou bien même, il l'aurait trouvé comme ça. Eh bien, il dit, ah tiens, Cheikh Foulaim a fait la fatwa, allez, on la traduit. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie, là, c'est pas son problème. Son problème, lui, c'est d'avoir une fatwa d'un Cheikh Salafi pour pouvoir faire ce que lui a envie de faire. Ou demain, tu vois une fatwa de Cheikh Salafi qui dira que les femmes peuvent aller voyager seules pour faire talabalahim. Il va la prendre tout de suite. Et il va la traduire et la propager et mettre des choubois dans la tête des femmes. Des trucs comme ça. Wallahazubillah. Donc ça rentre. Même les traductions. Tu traduis des choses qui sont conformes au kitab la sunna. Pas ce que tu veux toi. Taïe. Faut maintenant aller faire le mas'ala à Thamina ou Ishroun. 28e mas'ala. Ou à Ravd ma'inda ghayrihim min al-haq, qu'il refuse la vérité qui provient d'autre, qui provient d'autrui. Si la vérité ne vient pas d'eux, il la refuse. Qal, rahimahullah ta'ala, annahum la yakbaluna min al-haq illa alladhi ma'a ta'ifatihim, ka qawlihi qalu nu'minu bima unzila alayna. Qu'il accepte la vérité que si elle provient de leur groupe, des leurs. Comme de la part de la danse où il dit, et ils ont dit, nous ne croirons qu'en ce qui est descendu sur nous, c'est-à-dire les Yahoud. Qalou akada. Baqala, al-Shalih, hafizahullah ta'ala, Shalih Fawzan, idhaqilalahum aminum bima anzala Allah ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, yakouloun kama qala ta'ala fi kitabihi, qalou nu'minum bima anzala alayna. Si on leur dit, croyons en ce qui est descendu sur Mohammed, ils diront, comme dans les versets, dans le sens relatif et rapproché, nous ne croyons qu'en ce qui est descendu sur nous, c'est-à-dire les Yahoud, ce qui est descendu avant le Coran ou avant l'Injil. Il y a un ce qui est descendu sur Moussa, alayhi salam. Ou yakfurun bima wara'ahu, et ils m'y croient ce qui est venu par la suite. Wa ma'adhaq Allah ta'ala. Pourtant c'est la vérité qui confirme ce qui est avant eux ou ce qui est avec eux. Donc ils disent, nous croyons en la Torah qui est descendue sur Moussa alayhi salam, et ils m'écroient en tout ce qui est venu par la suite, et parmi eux l'Injil qui est venu avec Isa alayhi salam, et le Coran qui est venu avec Mohammed, alors que c'est une chose qui confirme ce qu'ils avaient auparavant. Donc Allah les a réfutés en disant, alors pourquoi, si vous descendez, si jamais vous prétendez suivre ce qui est descendu sur Moussa, alayhi salam, pourquoi vous tuez les Anbiya? Est-ce que ce qui est descendu sur Moussa appelle à tuer les Anbiya? Du fait qu'ils aient tué Zakaria, qu'ils aient tué Yahya, qu'ils ont voulu, même qu'ils ont voulu tuer Isa, alayhi salam, et que Allah l'a préservé, et qu'ils ont tué Mohammed, sallallahu alayhi salam. Le shir dans le livre, il dit, wa hammu bikot Mohammed, qu'ils ont voulu le tuer. Mais en réalité, At-Tambih, dans le livre que j'ai, il y a un ta'liq, il est jayyid, c'est qu'en réalité, ils l'ont tué. Ce sont les Yahoud qui ont tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en empoisonnant. Seulement les traces du poison n'ont eu un effet mortel sur lui que longtemps après qu'il ait consommé cette viande qui était empoisonnée, qui a été donnée. Mais c'est eux qui l'ont tué. Donc ce n'est pas seulement ils ont voulu le tuer, c'est ils l'ont tué. Bi'iznillah. Mais il est mort shahid sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était parmi les gens des Bani Israël. Donc ce n'est pas Moussa qu'ils appelaient à agir de la sorte. Sûrement pas. طيب. Et ensuite il dit un point important également. قال وهذا يشمل من يقول انا لا اتبع الا فلانا من العلماء والواجب انه يقبل الحق ولا يتعصب لامامه ولا لمدرسه ولا لشيخه مثل ما شيخ الطرق يتعصب لهم المريدون والاتباع ولا يقبلون الحق الا ما قال هؤلاء. Donc également ce jugement concerne également ceux qui disent, moi je ne suis que cher un tel parmi les savants. Alors que lui, l'obligation c'est qu'il accepte le haq, qu'il ne se fanatise pas pour son imam, ou son enseignant, ou son cheikh, ou autre parmi les machaires. comme le font les mourides et les suiveurs qui ne prennent le haq que de leur machère à eux. وهذا أمر باطل لأنه لا يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ça, c'est une chose qui est fausse, car on est obligé de ne suivre qu'une personne en particulier. La seule qui est obligée d'être suivie en particulier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Donc celui qui dit qu'il est obligatoire de suivre quelqu'un en particulier, autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lui c'est un apostat, c'est un murtad. Yustatab fa'intaba wa illa qutil. Lui, soit on lui demande de faire tawbah, ou soit on le tue, comme a qu'allait Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. يعني لأنه جعل فلانا مساويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Car celui-là, en disant je ne suis que un tel, il aura égalisé entre ce un tel et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Donc cela est de la rizda. Donc on n'a pas à s'attribuer à quelqu'un en particulier. Et on a des gens aujourd'hui, même s'ils ne disent pas bilisan al-maqal, fayqad qaluhu bilisan al-hal. Ils l'ont pas dit par leur langue, mais par leurs actes, ils le font. Ils ne suivent que des machères en particulier. Et comme on l'a expliqué, si Yamin accepte des autres, ce n'est qu'après que ceux qu'ils suivent furent en accord avec eux. Et ça, on le trouve même dans la Ummah aujourd'hui. Des gens, ils font ça. Avec Shah Rabir, ils font ça. Avec Ubay al-Jabiri, avec Abdullah al-Bukhari, avec Mohamed ibn Hadi, et ceux-là. Tous ceux qui sont autour d'eux. Pour eux, ce sont ceux-là. Si la vérité ne vient pas d'eux, ou le jarh ne vient pas d'eux, et si Yamin, un savant, fait un jarh sur quelqu'un, critique une personne, tant que ceux-là n'ont pas accepté, n'ont pas validé, ou n'ont pas été d'accord, on fait attention, on ne se précipite pas. On attend de voir qu'est-ce qu'eux ils disent. Si jamais ils ne sont pas d'accord, le jarh il est rejeté, même s'il est basé sur les preuves. Par contre, ceux qui critiquent, on ne regarde même pas si les preuves elles sont là ou pas, on accepte tout de suite. Si ceux-là là, ils critiquent, on ne regarde même pas s'ils ont tort ou ils ont raison, c'est accepté d'office, d'emblée. Et bien ça rentre dans cette masse. Alors, ça c'est parmi les sifats des gens de la jahiliya. Tamam. Wala'azubillah. Ils vous diront pas. Ils vont jamais vous dire, nous, on suit que eux. Non. Ils vont pas vous le dire. Mais dans leurs actes, vous allez voir qu'ils ne reviennent qu'à ces gens-là. Ils n'acceptent que de eux. Alors qu'il y a des savants qui sont peut-être plus savants qu'eux, plus grands qu'eux. Plus grands qu'eux. Minel ulama. Ou d'autres, même s'ils sont pas aussi savants qu'eux, ont des preuves plus fortes que les leurs. Mais ils ne veulent pas accepter. Adam et ta'asub et madhhabi. C'est le ta'asub mazhabi, comme dans les mazhabi. Tama aman, c'est la même chose. Wa li'azu billah. Nasallu ala afiya wa an yahfazana min tiba al-hawa. Tayyib. Thumma qala al-mas'ala at-tasi'a wa al-ishrun. 29e mas'ala. Point. Qala la ya'maluna bi qawli man yaz'umuna annahum yattabi'unahum. Que eux, ils n'appliquent pas la parole de ceux qui prétendent suivre. Et ce point-là, Mas'ala 29, c'est la même que la 18e, qui était Intisabihim il al-anbiya ma mukhalafatihim, qui s'attribue aux prophètes, mais les contredisent. C'est la même Mas'ala. D'accord ? Qui prétendent suivre quelqu'un, mais n'appliquent pas tout ce qu'il dit. Faqala fil matn annahu ma'a dhalika la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. كما قال تعالى والنبه قال فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. Dans le sens où Allah leur dit pourquoi vous tuez les prophètes d'avant si jamais vous êtes croyants, c'est-à-dire si vous prétendez croire en Moussa alayhi salam, pourquoi vous tuez les prophètes? Les Yahoud, comme le Shir le dit, Al-Fawzan, sur deux points se sont opposés à leurs messagers. Premièrement, qu'ils ont tué les Anbiya, alayhim as-salam, chose à laquelle la Torah n'a jamais appelé. Et deuxièmement, qu'ils n'ont pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chose à laquelle la Torah elle les a appelés également. Et même, pour revenir à ces points-là, ces gens-là, ils font pareil. Tu les vois s'accrocher à des imams, mais en réalité, quand une parole qui ne va pas dans leur sens, là, ils vont voir quelqu'un d'autre. Là, ils vont voir quelqu'un d'autre. Ça pense souvent, pour parler encore de leur imam, de leur aïmé Arba'a, مثلاً, on connaît par exemple la position de Cheikh Rabir par rapport à tout ce qui est Jam'iyat, par rapport à ce qui est la Hijra, par rapport à ce qui est Taswir, de se faire filmer, wakaza wakaza. Ces gens-là, tu les vois, à ce moment-là, ils ne suivent plus Cheikh Rabir. Ils vont aller voir un autre savant. Ils vont dire Cheikh Rabir a fait un ijtihad. Pourquoi ? c'est pas pour la religion qu'ils font ça. Parce qu'ils ont un intérêt mondain à en tirer. Se faire filmer pour se montrer, pour devenir célèbre, ou je ne sais quoi. Et les jamriyat et les mendicités, pourquoi? Pour avoir de l'argent. Ça, ce sont des points sur lesquels Charles Rabbi est strict. Et sur lesquels il a raison. Malgré cela, tu les vois. Quand il faut faire une critique sur des gens, ah, ils la prennent, ils font des pancartes presque avec. Mais quand il leur met en garde d'autres choses, tu les vois, ils contredisent là-dessus. Ou ils vont le voir, ils insistent yachir pour qu'ils fassent une fatwa de Daroura pour eux. Et une fois qu'ils en ont une, ah, ils la sortent comme s'ils avaient trouvé, je sais pas moi, un nouveau verset. Et tous les autres, ils disent, Cheikh Rabia, ça dit oui pour eux, il va dire oui pour nous aussi, et ils font pareil. Et quand je leur dis, pourquoi tu fais ça, arrête, tu dis, Cheikh Rabia, autorisé aux frères du Maroc de faire telle et telle chose. Ils disent, peut-être pas un frère du Maroc. Toi, t'es un frère de France. Ils disent, oui, mais il faut un PS, comme on a dit au début. Il faut un PS, une analogie qui est bâtie. S'il a dit oui à eux, il va nous dire oui à nous aussi. Le jugement que ça peut être sur eux, ça peut être sur nous également. Et ça, c'est chez Adib Jiddan. Où certains, tu les vois, prendre les critiques dures de Cheikh Rabia et aller voter à côté, appeler au Ntikhabat. Cheikh Rabia parmi les gens les plus stricts sur le Ntikhabat, les élections. Pourquoi ils ne prennent pas sa parole à ce moment-là? Parce qu'en allant voter, ils vont trouver une maslaha pour eux. Si on vote pour un tel, il va nous donner des massages, il va nous donner telle et telle chose, nous arranger. Donc là, on prend la fatwa qui nous convient. Ils jouent avec les fatawa. Et joue avec les fatawa. Voilà, azabillah. Et ça, c'est suivi de passion. Et on va finir avec la masala falafun, qui est Al-Arv bidiftiraq wa tark al-ijtima'. La 30e masala, qui est la même que la faniya, qui est qu'ils prennent la division et délaissent l'union. Faqala al-mu'allifu rahmallahu ta'ala, wa iya min aja'ib ayatillahi annahum taraku wasiyatallahi bi-ijtima'. وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق وصار كل حزب ما لديهم فريحين. Et ce qu'il y a, c'est que eux, ils ont délaissé l'ordre d'Allah qui est de s'unir et sont partis se diviser. Et chaque parti se réjouit de ce qu'il a. Et ça, c'est comme la mas'ala athaniya. Ma hiya tafarruq ahlul jahiliya fi ibadatihim wa dinihim. Que les gens de la jahiliya se sont divisés dans leur adoration et dans leur religion. Donc aujourd'hui, on a pris plusieurs masa'il. Tu as été que ces gens-là sont leurrés par la dunya. Thumma, qu'ils ont délaissé la vérité, car la vérité, c'est trouver les faibles. Également, qu'ils argumentent du fait que si les choses avaient été vraies, les faibles ne les auraient pas devancés. Qu'ils déforment les adilas du kitab wa sunna pour pouvoir être en conformité avec leur passion et avoir ce qu'ils veulent. Qu'ils écrivent des livres faux et les attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils refusent la vérité qui provient de autre que eux, ou de leur groupe, et qu'ils n'appliquent pas sur tous les points. Ils s'opposent sur beaucoup de points à ceux qu'ils prétendent suivre. Et la dernière, la 30e, qui était la division.